Un dimanche d'hiver, un village à un terrain. Tu m'as dédé, évité les gadins. La buvette pendant ce temps, ravi les habitués. Le match à Beauvoir, c'est contre le Chalon FC. Soir d'hiver, Paris, Parc des Princes. Tu m'as coupé les yeux pour 55 billets. Tu peux pas te mettre debout, sinon t'es expulsé. Et la bière, de la Beauclair à 0 degré. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. Footballeur amateur, tu mouilles le maillot. Tous les dimanches sur terrain vieillot. Footballeur pro, tu joues au barbeau. Sous les flashs, tu marques pour 10 millions d'euros. Payé par les pétrodollars du Qatar, payé par les gazodollars du Tsar. Foot, tu te déroutes. Les milliardaires ne connaissent rien au foot. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. On passe échelon, on travaille sur l'apprentissage. Mais en pro, on se permet tous les dérapages. Difficile après ça d'éduquer les débutants. La célébrité génère trop d'argent. L'USNAC, viré par la LFP, pendant que les clubs pro comptent le prix des billets. Pour éviter aux ultras de venir animer le virage des stades qu'ils ont fait vibrer. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG, du blé. L'USNAC, amateur en vrac. PSG.